Chapitre 10 de la deuxième partie des Mystères de Paris, tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 10. Monsieur Pipelet. Nous rappellerons au lecteur que ces faits se passaient en 1838. Monsieur Pipelet entra dans la loge d'un air grave, magistral. Il avait 60 ans environ, un nez énorme, un embonpoint respectable, une grosse figure taillée et enluminée à la façon des bonshommes casse-noisette de Nuremberg. Ce masque étrange était coiffé d'un chapeau tromblon à large bord, roussi de vétusté. Alfred, qui ne quittait pas plus ce chapeau que sa femme ne quittait sa perruque fantastique, se prélassait dans un vieil habit vert à basques immenses, au revers pour ainsi dire plombé de souillure, tant il paraissait çà et là d'un gris luisant. Malgré son chapeau tromblon et son habit vert, qui n'était pas sans un certain cérémonial, M. Pipelet n'avait pas déposé le modeste emblème de son métier. Un tablier de cuir dessinait son triangle fauve sur un long gilet diapré d'autant de couleurs que la courte pointe arlequin de Mme Pipelet. Le salut que le portier fit à Rodolphe ne manqua pas d'une certaine affabilité, mais, hélas, le sourire de cet homme était bien amer. On y lisait l'expression d'une profonde mélancolie, ainsi que Mme Pipelet l'avait dit à Rodolphe. « Alfred, monsieur est un locataire pour la chambre et le cabinet du quatrième, » dit Mme Pipelet en présentant Rodolphe à Alfred, « et nous t'avons attendu pour boire un verre de cassis qu'il a fait venir. » Cette attention délicate mit à l'instant M. Pipelet en confiance avec Rodolphe. Le portier porta la main au rebord antérieur de son chapeau et dit d'une voix de basse digne d'un chantre de cathédrale, « Nous vous satisferons, monsieur, comme portier, de même que vous nous satisferez comme locataire. Qui se ressemble, s'assemble. » Puis, s'interrompant, M. Pipelet dit à Rodolphe avec anxiété, « À moins pourtant, monsieur, que vous ne soyez peintre. » « Non, je suis commis marchand. » « Alors, monsieur, à vous rendre mes humbles devoirs. Je félicite la nature de ne pas vous avoir fait naître l'égal de ces monstres d'artistes. » « Les artistes, des monstres ?» demanda Rodolphe. M. Pipelet, au lieu de répondre, leva ses deux mains au plafond de sa loge et fit entendre une sorte de gémissement courroucé. « C'est les peintres qui ont empoisonné la vie d'Alfred. C'est eux qui lui ont fait la mélancolie dont je vous parlais, » dit tout bas Mme Pipelet à Rodolphe. Puis elle reprit plus haut et d'un ton caressant, « Allons, Alfred, sois raisonnable. Ne pense pas à ce polisson-là. Tu vas te faire du mal. Tu ne pourras pas dîner. » « Non, j'aurai du courage et de la raison, » répondit M. Pipelet avec une dignité triste et résignée. « Il m'a fait bien du mal. Il a été mon persécuteur, mon bourreau, pendant bien longtemps. Mais maintenant, je le méprise. Les peintres, » ajouta-t-il en se tournant vers Rodolphe, « Ah, monsieur, c'est la peste d'une maison. C'est son bacchanal, c'est sa ruine. » « Vous avez logé un peintre ?»« Hélas, oui, monsieur, nous en avons logé un. » dit M. Pipelet avec amertume, un peintre qui s'appelait Cabrion encore. À ce souvenir, malgré son apparente modération, le portier ferma convulsivement les poings. Était-ce le dernier locataire qui a occupé la chambre que je viens louer ? Demanda Rodolphe. Non, non, le dernier locataire était un brave, un digne jeune homme, nommé M. Germain. Mais avant lui, c'était Cabrion. « Ah, monsieur, depuis son départ, ce Cabrion a manqué me rendre fou, hébété. »« L'auriez-vous regretté à ce point ?» demanda Rodolphe. « Cabrion, regretté ? » reprit le portier avec stupeur. « Regretté, Cabrion ? Mais figurez-vous donc, monsieur, que monsieur Bras Rouge lui a payé deux termes pour le faire déguerpir d'ici, car on avait été assez malheureux pour lui faire un bail. Quel garnement ! Vous n'avez pas une idée, monsieur, des horribles tours qu'il nous a joués à nous et aux locataires. Pour ne parler que d'un seul de ces tours, il n'y a pas un instrument avant dont il n'ait fait bassement son complice pour démoraliser les locataires. Oui, monsieur, depuis le corps de chasse jusqu'au serpent, monsieur. Il a abusé de tout, poussant la vilenie jusqu'à jouer faux et exprès. La même note, et pendant des heures entières. C'était à en devenir fou. On a fait plus de 20 pétitions au principal locataire, M. Bras Rouge, pour qu'il chassât ce gueux-là. Enfin, monsieur, on y parvint en lui payant deux termes. C'est drôle, n'est-ce pas? Un locataire à qui on paye deux termes? mais on lui en aurait payé trois pour s'en dépêtrer. Il part. Vous croyez peut-être que c'est fini du cabrion? Vous allez voir. Le lendemain, à 11 heures du soir, j'étais couché. Pan, pan, pan. Je tire le cordon, on vient à la loge. Bonsoir, portier, dit une voix. Voulez-vous me donner une mèche de vos cheveux, s'il vous plaît? Mon épouse me dit. C'est quelqu'un qui se trompe de porte. Et je réponds à l'inconnu. Ce n'est pas ici, voyez à côté. Pourtant, c'est bien ici le numéro 17. Le portier s'appelle bien Pipelet, reprend la voix. Oui, que je dis, je m'appelle bien Pipelet. Eh bien, Pipelet, mon ami, je viens vous demander une mèche de vos cheveux pour Cabrion. C'est son idée. Il y tient, il en veut. Monsieur Pipelet regarda Rodolphe en secouant la tête et en se croisant les bras dans une attitude sculpturale. Vous comprenez, monsieur, c'est à moi, son ennemi mortel, à moi qu'il avait abreuvé d'outrage, qu'il venait impudemment demander une mèche de mes cheveux, une faveur que les dames refusent même quelquefois à leur bien-aimé. Encore si ce Cabrion avait été bon locataire comme M. Germain, reprit Rodolphe avec un sang-froid imperturbable. Eût-il été bon locataire, je ne lui aurais pas davantage accordé cette mèche, dit majestueusement l'homme au chapeau tromblon. Ce n'est ni dans mes principes, ni dans mes habitudes. Mais je me serais fait un devoir, une loi, de la lui refuser poliment. Ce n'est pas tout, reprit la portière. Figurez-vous, monsieur, que depuis ce jour-là, le matin, le soir, la nuit, à toute heure, cet affreux Cabrion avait déchaîné une nuée de rapins qui venaient ici l'un après l'autre demander à Alfred une mèche de ses cheveux, toujours pour Cabrion. « Et vous pensez si j'ai cédé ?» dit M. Pipelet d'un air déterminé. « On m'aurait plutôt traîné à l'échafaud, monsieur. Après 3 ou 4 mois d'opiniâtreté de leur part, de résistance de la mienne, mon énergie a triomphé de l'acharnement de ces misérables. Ils ont vu qu'ils s'attaquaient à une barre de fer, et ils ont été bien forcés de renoncer à leurs insolentes prétentions. Mais c'est égal, monsieur, j'ai été frappé là. » Alfred porta la main à son cœur. J'aurais eu commis des crimes affreux que je n'aurais pas eu un sommeil plus bourrelé. À chaque instant, je me réveillais en sursaut, croyant entendre la voix de ce damné Cabrion. Je me défiais de tout le monde. Dans chacun, je supposais un ennemi. Je perdais mon aménité. Je ne pouvais voir une figure étrangère se présenter au carreau de la loge sans frémir en pensant que c'était peut-être quelqu'un de la bande à Cabrion. Et même encore maintenant, monsieur, je suis soupçonneux, renfrogné, sombre, épilogueur comme un malfaiteur. Je crains d'épanouir mon âme à la moindre nouvelle connaissance, de peur d'y voir surgir quelques-uns de la bande à Cabrion. Je n'ai de goût à rien. » Ici, Madame Pipelet porta son index à son œil gauche, comme pour essuyer une larme, et fit un signe de tête affirmatif. Alfred continua d'un ton de plus en plus lamentable. Enfin, je me recroqueville sur moi-même, et c'est ainsi que je vois couler le fleuve de la vie. Avais-je tort, monsieur, de vous dire que cet infernal Cabrion avait empoisonné mon existence? Et M. Pipelet, poussant un profond soupir, inclina son chapeau tromblon sous le poids de cette immense infortune. « Je conçois maintenant que vous n'aimiez pas les peintres, » dit Rodolphe. « Mais du moins ce M. Germain dont vous parlez vous a dédommagé de M. Cabrion. » « Oh oui, monsieur, voilà un bon et digne jeune homme, franc comme l'or, serviable et pas fier, et gai, mais d'une bonne gaieté qui ne faisait de mal à personne, au lieu d'être insolent et goguenard comme ce Cabrion que Dieu confonde. » « Allons, calmez-vous, mon cher monsieur Pipelet, ne prononcez pas ce nom-là. Et maintenant, quel est le propriétaire assez heureux pour posséder monsieur Germain, cette perle des locataires ?»« Ni vu ni connu. Personne ne sait ni ne saura où demeure à cette heure monsieur Germain. Quand je dis personne, excepté mademoiselle Rigolette. » « Et qu'est-ce que mademoiselle Rigolette ?» demanda Rodolphe. « Une petite ouvrière, l'autre locataire du 4e, reprit madame Pipelet. « Voilà une autre perle, payant son terme d'avance, et si proprette dans sa chambrette, et si gentille pour tout le monde, et si gaie, un véritable oiseau du bon Dieu, pour être avenante et joyeuse. Avec ça, travailleuse comme un petit castor, gagnant quelquefois jusqu'à ses 2 francs par jour, mais dame avec bien du mal. Mais Comment Mademoiselle Rigolette est-elle la seule qui sache la demeure de Monsieur Germain? Quand il a quitté la maison, reprit Madame Pipelet, il nous a dit je n'attends pas de lettres, mais si par hasard il m'en arrivait, vous les remettriez à Mademoiselle Rigolette. Et en ça, elle était digne de sa confiance, quand même la lettre serait chargée, n'est-ce pas, Alfred? Le fait est qu'il n'y aurait rien à dire sur le compte de Mademoiselle Rigolette, dit sévèrement le portier, si elle n'avait pas eu la faiblesse de se laisser cajoler par cet infâme Cabrion. Pour ce qui est de ça, Alfred, reprit la portière, tu sais bien que ce n'est pas de la faute de Mademoiselle Rigolette, ça tient au local, car ça a été tout de même avec le commis voyageur qui occupait la chambre avant Cabrion, comme après ce méchant peintre, ça a été Monsieur Germain qui la cajolait. Encore une fois, ça ne peut être autrement, ça tient au local. Ainsi, dit Rodolphe, les locataires de la chambre que je veux louer font nécessairement la cour à Mademoiselle Rigolette. Nécessairement, monsieur, vous allez comprendre ça. On est voisin avec Mademoiselle Rigolette, les deux chambres se touchent. Eh bien, entre jeunesse, c'est une lumière à allumer, un peu de braise à emprunter, ou bien de l'eau. Oh, quant à l'eau, on est sûr d'en trouver chez Mademoiselle Rigolette. Elle n'en manque jamais. C'est son luxe, c'est un vrai petit canard. Dès qu'elle a un moment, elle est tout de suite à laver ses carreaux, son foyer. Aussi, c'est toujours si propre chez elle. Vous verrez ça. Ainsi, Monsieur Germain, eu égard à la localité, a donc été, comme vous dites, bon voisin avec Mademoiselle Rigolette. Oui, monsieur, et c'est le cas de dire qu'ils étaient nés l'un pour l'autre. Si gentils, si jeunes, il faisait plaisir à voir descendre les escaliers le dimanche, le seul jour de congé à ses pauvres enfants. Elle, bien attifée d'un joli bonnet et d'une jolie robe à 25 sous l'aune, qu'elle se fait elle-même, mais qui lui allait comme à une petite reine. Lui, mis en vrai muscadin. Et Monsieur Germain n'a plus revu Mademoiselle Rigolette depuis qu'il a quitté cette maison? Non, monsieur, à moins que ça ne soit le dimanche. Car les autres jours, Mademoiselle Rigolette n'a pas le temps de penser aux amoureux à aller. Elle se lève à 5 ou 6 heures et travaille jusqu'à 10 ou quelquefois 11 heures du soir. Elle ne quitte jamais sa chambre, excepté le matin, pour aller acheter la provision pour elle et ses deux serins, et à eux trois, ils ne mangent guère à aller. Qu'est-ce qu'il leur faut? 2 sous de lait, un peu de pain, du mouron, de la salade, du millet et de la belle eau claire. Ce qui ne les empêche pas de babiller et de gazouiller tous les trois, la petite et ses deux oiseaux, que c'est une bénédiction. Avec ça, bonne et charitable en ce qu'elle peut, c'est-à-dire de son temps de sommeil et de ses soins. Car, en travaillant quelquefois plus de 12 heures par jour, c'est tout juste si elle gagne de quoi vivre. Tenez, ces malheureux des mansardes que Monsieur Bras Rouge va mettre sur le pavé pas plus tard que dans 3 ou 4 jours. Mademoiselle Rigolette et Monsieur Germain ont veillé leurs enfants pendant plusieurs nuits. Il y a donc une famille malheureuse ici? Malheureuse, monsieur, Dieu de Dieu, je le crois bien. 5 enfants en bas âge, la mère au lit, presque mourante, la grand-mère idiote, et pour nourrir tout ça, un homme qui ne mange pas du pain tout son sou en trimant comme un nègre, car c'est un fameux ouvrier. 3 heures de sommeil sur 24, voilà tout ce qu'il prend. Et encore, quel sommeil! Quand on est réveillé par des enfants qui crient « Du pain !» par une femme malade qui gémit sur sa paillasse, ou par la vieille idiote qui se met quelquefois à rugir comme une louve, de faim aussi, car elle n'a pas plus de raison qu'une bête. Quand elle a trop envie de manger, on l'entend des escaliers. Elle hurle. « Ah, oh, c'est affreux !» s'écria Rodolphe. « Et personne ne les secourt ?» Dame, monsieur, on fait ce qu'on peut entre pauvres gens. Depuis que le commandant me donne ses 12 francs par mois pour faire son ménage, je mets le pot-au-feu une fois la semaine, et ces malheureux d'en haut ont du bouillon. Mademoiselle Rigolette prend sur ses nuits, et dame, ça lui coûte toujours de l'éclairage, pour faire, avec des rognures d'étoffe, des brassières et des béguins aux petits. Ce pauvre monsieur Germain, qui n'était pas bien calé non plus, faisait semblant de recevoir de temps en temps quelques bonnes bouteilles de vin de chez lui. Et Morel, c'est le nom de l'ouvrier, buvait 1 ou 2 fameux coups qui le réchauffaient et lui mettaient pour un moment du cœur au ventre. Et le charlatan ne faisait-il rien pour ces pauvres gens? Monsieur Bradamanti, dit le portier, il m'a guéri de mon rhumatisme, c'est vrai, je le vénère. Mais dès ce jour-là, j'ai dit à mon épouse, Anastasie, monsieur Bradamanti... Te l'ai-je dit, Anastasie ? C'est vrai, tu me l'as dit, mais il aime à rire, cet homme, du moins à sa manière, car il ne desserre pas les dents pour cela. Qu'a-t-il donc fait ? Voilà, monsieur, quand je lui ai parlé de la misère des Morel, à propos de ce qu'il se plaignait que la vieille idiote avait hurlé de faim toute la nuit, et que lui, ça l'avait empêché de dormir, il m'a dit « Puisqu'ils sont si malheureux, s'ils ont des dents à arracher, je ne leur ferai pas même payer la sixième, et je leur donnerai une bouteille de mon eau à moitié prix. » « Eh bien, s'écria M. Pipelet, quoiqu'il m'ait guéri de mon rhumatisme, je maintiens que c'est une plaisanterie indécente. Mais il n'en fait jamais d'autre. Et encore, si elle n'était qu'indécente. » « Songe donc, Alfred, qu'il est italien, et que c'est peut-être la manière de plaisanter chez eux. » « Décidément, Madame Pipelet, dit Rodolphe, j'ai mauvaise opinion de cet homme, et je ne ferai pas, comme vous dites, ni amitié ni société avec lui. » Et la prêteuse sur gage a-t-elle été plus charitable ? Dans le prix de M. Bradamanti, dit la portière. Elle leur a prêté sur leur pauvre harde. Tout y a passé, jusqu'à leur dernier matelas. C'est pas l'embarras, ils n'en ont jamais eu que deux. Et maintenant, elle ne les aide pas ? La mère Burette ? Ah ben oui, elle est aussi chiche dans son espèce que son amoureux dans la sienne. Car, dites donc, M. Bras Rouge et la mère Burette, ajouta la portière avec un clignement d'yeux et un hochement de tête extraordinairement malicieux. « Vraiment ? » dit Rodolphe. « Je crois bien, à mort. Et allez donc, les étés de la Saint-Martin sont aussi chauds que les autres, n'est-ce pas, vieux chéri ?» M. Pipelet, pour toute réponse, agita mélancoliquement son chapeau tromblon. Depuis que Madame Pipelet avait fait montre d'un sentiment de charité à l'égard des malheureux des mansardes, elle semblait moins repoussante à Rodolphe. Et quel est l'état de ce pauvre ouvrier ? Lapidaire en faux, il travaille à la pièce, et tant qu'il s'est contrefait à ce métier-là, vous le verrez. Après tout, un homme est un homme, et il ne peut que ce qu'il peut, n'est-ce pas ? Et quand il faut donner la pâtée à une famille de 7 personnes sans se compter, il y a du tirage. Et encore, sa fille aînée l'aide de ce qu'elle peut, et ça n'est guère. Et quel âge a cette fille ? 17 ans, et belle, belle comme le jour. Elle est servante chez un vieux Grigou, riche à acheter Paris, un notaire, M. Jacques Ferrand. « M. Jacques Ferrand ? » dit Rodolphe, étonné de cette nouvelle rencontre, car c'était chez ce notaire, ou du moins près de sa gouvernante, qu'il devait prendre les renseignements relatifs à la Goualeuse. « M. Jacques Ferrand qui demeure rue du Sentier ? » reprit-il. « Juste ! Vous le connaissez ? » ?»« Il est notaire de la maison de commerce à laquelle j'appartiens. » « Eh bien, alors vous devez savoir que c'est un fameux Fesse-Mathieu, mais il faut être juste, honnête et dévot. Tous les dimanches à la messe et à vêpres, faisant ses Pâques et allant à confesse. S'il fricote, ne fricotant jamais qu'avec des prêtres, buvant l'eau bénite, dévorant le pain béni, un saint homme, quoi. La caisse d'épargne des petites gens qui placent leurs économies chez lui. Mais, dame, avare et dur à cuire pour les autres comme pour lui-même. Voilà 18 mois que cette pauvre Louise, la fille du lapidaire, est servante chez lui. C'est un agneau pour la douceur, un cheval pour le travail. Elle fait tout là, et 18 francs de gage, ni plus ni moins. Elle garde 6 francs par mois pour s'entretenir et donne le reste à sa famille. C'est toujours ça, mais quand il faut que 7 personnes rongent là-dessus... Mais le travail du père, s'il est laborieux ? S'il est laborieux, c'est un homme qui de sa vie n'a été bu. C'est rangé, c'est doux comme un Jésus. Ça ne demanderait au bon Dieu pour toute récompense que de faire durer les jours 48 heures pour pouvoir gagner un peu plus de pain pour sa marmaille. Son travail lui rapporte donc bien peu ? Il a été alité pendant 3 mois, et c'est ce qu'il a arriéré. Sa femme s'est abîmée la santé en le soignant, et à cette heure elle est moribonde. C'est pendant ces 3 mois qu'il a fallu vivre avec les 12 francs de Louise, et avec ce qu'ils ont emprunté sur gage à la mère Burette, et aussi quelques écus que lui a prêté la courtière en pierre fausse pour qui il travaille. Mais 8 personnes. J'en reviens toujours là, et si vous voyez leur bouge ? Mais tenez, monsieur, ne parlons pas de ça, voilà notre dîner cuit, et rien que de penser à leur mansarde, ça me tourne l'estomac. Heureusement, M. Bras Rouge va en débarrasser la maison.

qui, selon quelques apparences, pouvait malheureusement être la marquise d'Harville, avait donné au commandant pour le lendemain un nouveau rendez-vous qui la perdrait peut-être à jamais. Et, pour mille raisons, Rodolphe portait le plus vif intérêt à M. d'Harville, dont le repos, l'honneur, semblaient si cruellement compromis. Un artisan honnête et laborieux, écrasé par la plus affreuse misère, allait être, lui et sa famille, jeté sur le pavé par l'intermédiaire de Bras Rouge. Enfin, Rodolphe avait involontairement découvert quelques traces d'une aventure dont le charlatan César Bradamanti, peut-être l'abbé Polidori, et une femme qui appartenait sans doute au plus grand monde, étaient les principaux acteurs. De plus, la Chouette, récemment sortie de l'hôpital où elle était entrée après la scène de l'allée des veuves, avait des intelligences suspectes avec Madame Burette, devineresse et prêteuse sur gage, qui occupait le second étage de la maison. Ayant recueilli ces divers renseignements, Rodolphe rentra chez lui, rue Plumet, remettant au lendemain sa visite au notaire Jacques Ferrand. Le soir même, comme on le sait, Rodolphe devait se rendre à un grand bal à l'ambassade de... Avant de suivre notre héros dans cette nouvelle excursion, nous jetterons un coup d'œil rétrospectif sur Tom et sur Sarah, personnages importants de cette histoire. Fin du chapitre 11. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en février 2012. Chapitre 12 de la deuxième partie des Mystères de Paris, tome 1, par Eugène Sue. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 12. Tom et Sarah. Sarah Seyton, alors veuve du comte MacGregor et âgée de 37 à 38 ans, était d'une excellente famille écossaise et fille d'un baronnet, gentilhomme campagnard. D'une beauté accomplie, orpheline à 17 ans, Sarah avait quitté l'Écosse avec son frère Tom Seyton de Halsbury. Les absurdes prédictions d'une vieille Highlandaise, sa nourrice, avaient exalté presque jusqu'à la démence les deux vices capitaux de Sarah, l'orgueil et l'ambition, en lui promettant avec une incroyable persistance de conviction les plus hautes destinées. Pourquoi ne pas le dire, une destinée souveraine. La jeune Écossaise s'était rendue à l'évidence des prédictions de sa nourrice et se redisait sans cesse, pour corroborer sa foi ambitieuse, qu'une devineresse avait aussi promis une couronne à la belle et excellente créole qui s'assit un jour sur le trône de France et qui fut reine par la grâce et par la bonté, comme d'autres le sont par la grandeur et par la majesté. Chose étrange, Tom Seyton, aussi superstitieux que sa sœur, encourageait ses folles espérances et avait résolu de consacrer sa vie à la réalisation du rêve de Sarah, de ce rêve aussi éblouissant qu'insensé. Néanmoins, le frère et la sœur n'étaient pas assez aveugles pour croire rigoureusement à la prédiction de la Highlandaise et pour viser absolument à un trône de premier ordre dans leur magnifique dédain des royautés secondaires ou des principautés régnantes. Non, pourvu que la belle Écossaise ceignît un jour son front impérieux d'une couronne souveraine, le couple orgueilleux fermerait les yeux sur l'importance des possessions de cette couronne. À l'aide de l'almanach de Gotha pour l'an de grâce 1819, Tom Seyton dressa, au moment de quitter l'Écosse, une sorte de tableau synoptique par rang d'âge de tous les rois et altesses souveraines de l'Europe alors à marier. Bien que fort absurde, l'ambition du frère et de la sœur était pure de tout moyen honteux. Tom devait aider Sarah à ourdir la trame conjugale où elle espérait enlacer un porte-couronne quelconque. Tom devait être de moitié dans toutes les ruses, dans toutes les intrigues qui pourraient amener ce résultat. Mais il aurait tué sa sœur plutôt que de voir en elle la maîtresse d'un prince, même avec la certitude d'un mariage réparateur. L'espèce d'inventaire matrimonial qui résulta des recherches de Tom et de Sarah dans l'almanach de Gotha fut satisfaisant. La Confédération germanique fournissait surtout un nombreux contingent de jeunes souverains présomptifs. Sarah était protestante, Tom n'ignorait pas la facilité du mariage allemand, dit de la main gauche, mariage légitime d'ailleurs, auquel il se serait à la dernière extrémité résigné pour sa sœur. Il fut donc résolu, entre elle et lui, d'aller d'abord en Allemagne commencer cette pipée. Si ce projet paraît improbable, ces espérances insensées, nous répondrons d'abord qu'une ambition effrénée, encore exagérée par une superstitieuse croyance, se pique rarement d'être raisonnable dans ses visées et n'est guère tentée que de l'impossible. Pourtant, en se rappelant certains faits contemporains depuis d'augustes et respectables mariages morganatiques entre souverains et sujettes, jusqu'à l'amoureuse odyssée de Miss Pénélope et du prince de Capoue, on ne peut refuser quelque probabilité d'heureux succès aux imaginations de Tom et de Sarah. Nous ajouterons que celle-ci joignait à une merveilleuse beauté de rares dispositions pour les talents les plus variés, et une puissance de séduction d'autant plus dangereuse qu'avec une âme sèche et dure, un esprit adroit et méchant, une dissimulation profonde, un caractère opiniâtre et absolu, elle réunissait toutes les apparences d'une nature généreuse, ardente et passionnée. Au physique, son organisation mentait aussi perfidement qu'au moral. Ses grands yeux noirs, tour à tour étincelants et langoureux sous leurs sourcils d'ébène, pouvaient feindre les embrasements de la volupté. Et pourtant, les brûlantes aspirations de l'amour ne devaient jamais faire battre son sein glacé. Aucune surprise du cœur ou des sens ne devait déranger les impitoyables calculs de cette femme rusée, égoïste et ambitieuse. En arrivant sur le continent, Sarah, d'après les conseils de son frère, ne voulut pas commencer ses entreprises avant d'avoir fait un séjour à Paris, où elle désirait polir son éducation et assouplir sa roideur britannique dans le commerce d'une société pleine d'élégance, d'agrément et de liberté de bon goût. Sarah fut introduite dans le meilleur et dans le plus grand monde, grâce à quelques lettres de recommandation et au bienveillant patronage de Madame l'ambassadrice d'Angleterre et du vieux marquis d'Harville, qui avait connu en Angleterre le père de Tom et de Sarah. Les personnes fausses, froides, réfléchies, s'assimilent avec une promptitude merveilleuse le langage et les manières les plus opposées à leur caractère. Chez elle, tout est dehors, surface, apparence, vernis, écorce. Dès qu'on les pénètre, dès qu'on les devine, elles sont perdues. Aussi l'espèce d'instinct de conservation dont elles sont douées les rend éminemment propres au déguisement moral. Elles se griment et se costument avec la prestesse et l'habileté d'un comédien consommé. C'est dire qu'après 6 mois de séjour à Paris, Sarah aurait pu lutter avec la Parisienne la plus parisienne du monde pour la grâce piquante de son esprit, le charme de sa gaieté, l'ingénuité de ses coquetteries et la naïveté provocante de son regard à la fois chaste et passionné. Trouvant sa sœur suffisamment armée, Tom partit avec elle pour l'Allemagne, muni d'excellentes lettres d'introduction. Le premier état de la Confédération germanique qui se trouvait sur l'itinéraire de Sarah était le Grand-Duché de Gerolstein, ainsi désigné dans le diplomatique et infaillible Almanach de Gotha pour l'année 1819. Généalogie des souverains de l'Europe et de leur famille, Gerolstein. Grand-Duc Maximilien Rodolphe, né le 10 décembre 1764, succède à son père, Charles-Frédéric Rodolphe, le 21 avril 1785. Veuf, janvier 1808, de Louise, fille du prince Jean-Auguste de Burglain. Fils, Gustave Rodolphe, né le 17 avril 1803. Mère, grande-duchesse Judith, douairière, veuve du grand-duc père Charles-Frédéric Rodolphe, le 21 avril 1785. Tom, avec assez de sens, avait d'abord inscrit sur sa liste les plus jeunes des princes qu'il convoitait pour beau-frère, pensant que l'extrême jeunesse est de bien plus facile séduction qu'un âge mûr. D'ailleurs, nous l'avons dit, Tom et Sarah avaient été particulièrement recommandés au grand-duc régnant de Gerolstein par le vieux marquis d'Harville, engoué, comme tout le monde, de Sarah, dont il ne pouvait assez admirer la beauté, la grâce et le charme naturel. Il est inutile de dire que l'héritier présomptif du grand-duché de Gerolstein était Gustave Rodolphe. Il avait 18 ans à peine lorsque Tom et Sarah furent présentés à son père. L'arrivée de la jeune Écossaise fut un événement dans cette petite cour allemande, calme, simple, sérieuse, et pour ainsi dire patriarcale. Le grand-duc, le meilleur des hommes, gouvernait ses états avec une fermeté sage et une bonté paternelle. Rien de plus matériellement, de plus moralement heureux que cette principauté. Sa population laborieuse et grave, sobre et pieuse, offrait le type idéal du caractère allemand. Ces braves gens jouissaient d'un bonheur si profond, ils étaient si complètement satisfaits de leur condition, que la solitude éclairée du grand-duc avait eu peu à faire pour les préserver de la manie des innovations constitutionnelles. Quant aux modernes découvertes, quant aux idées pratiques qui pouvaient avoir une influence salutaire sur le bien-être et sur la moralisation du peuple, le grand-duc s'en informait et les appliquait incessamment. Ses résidents auprès des différentes puissances de l'Europe, n'ayant pour ainsi dire d'autre mission que celle de tenir leur maître au courant de tous les progrès de la science, au point de vue d'utilité publique et pratique. Nous l'avons dit, le grand-duc ressentait autant d'affection que de reconnaissance pour le vieux marquis d'Harville, qui lui avait rendu, en 1815, d'immenses services. Aussi, grâce à la recommandation de ce dernier, Tom et Sarah Seyton de Halsbury furent accueillis à la cour de Gerolstein avec une distinction et une bonté très particulières. 15 jours après son arrivée, Sarah, douée d'un profond esprit d'observation, avait facilement pénétré le caractère ferme, loyal et ouvert du grand-duc. Avant de séduire le fils, chose immanquable, elle avait sagement voulu s'assurer des dispositions du père. Celui-ci paraît aimer si follement son fils Rodolphe qu'un moment Sarah le crut capable de consentir à une mésalliance plutôt que de voir ce fils chéri éternellement malheureux. Mais bientôt, l'Écossaise fut convaincue que ce père si tendre ne se départirait jamais de certains principes, de certaines idées sur les devoirs des princes. Ce n'était pas de sa part orgueil, c'était conscience, raison, dignité. Or, un homme de cette trempe énergique, d'autant plus affectueux et bon qu'il est plus ferme et plus fort, ne concède jamais rien de ce qui touche à sa conscience, à sa raison, à sa dignité. Sarah fut sur le point de renoncer à son entreprise, en présence de ces obstacles presque insurmontables. Mais réfléchissant que, par compensation, Rodolphe était très jeune, qu'on vantait généralement sa douceur, sa bonté, son caractère à la fois timide et rêveur, elle crut le jeune prince faible, irrésolu. Elle persista donc dans son projet et dans ses espérances. À cette occasion, sa conduite et celle de son frère furent un chef-d'œuvre d'habileté. La jeune fille sut se concilier tout le monde, et surtout les personnes qui auraient pu être jalouses ou envieuses de ses avantages. Elle fit oublier sa beauté, ses grâces, par la simplicité modeste dont elle les voila. Bientôt, elle devint l'idole non seulement du grand-duc, mais de sa mère, la grande duchesse Judith Douairière, qui, malgré ou à cause de ses 90 ans, aimait à la folie tout ce qui était jeune et charmant. Plusieurs fois, Tom et Sarah parlèrent de leur départ. Jamais le souverain de Gerolstein ne voulut y consentir. Et, pour s'attacher tout à fait le frère et la sœur, il pria le baronnet Tom Seyton de Halsbury d'accepter l'emploi vacant de premier écuyer, et il supplia Sarah de ne pas quitter la grande duchesse Judith, qui ne pouvait plus se passer d'elle. Après de nombreuses hésitations, combattues par les plus pressantes influences, Tom et Sarah acceptèrent ces brillantes propositions et s'établirent à la cour de Gerolstein, où ils étaient arrivés depuis 2 mois. Sarah, excellente musicienne, sachant le goût de la grande duchesse pour les vieux maîtres, et entre autres pour Gluck, fit venir l'œuvre de cet homme illustre et fascina la vieille princesse par son inépuisable complaisance et par le talent remarquable avec lequel elle lui chantait ses anciens airs, d'une beauté si simple, si expressive. Tom, de son côté, sut se rendre très utile dans l'emploi que le grand-duc lui avait confié. L'Écossais connaissait parfaitement les chevaux. Il avait beaucoup d'ordre et de fermeté.

À son retour, Rodolphe, voyant chaque jour Sarah, en devint follement épris. Bientôt, elle lui avoua qu'elle partageait son amour, quoiqu'il dût, prévoyait-elle, leur causer de violents chagrins. Ils ne pouvaient jamais être heureux. Une trop grande distance les séparait. Aussi recommanda-t-elle à Rodolphe la plus profonde discrétion, de peur d'éveiller les soupçons du grand-duc, qui seraient inexorables et les priveraient de leur seul bonheur, celui de se voir chaque jour. Rodolphe promit de s'observer et de cacher son amour. L'Écossaise était trop ambitieuse, trop sûre d'elle-même, pour se compromettre et se trahir aux yeux de la cour. Le jeune prince sentait aussi le besoin de la dissimulation. Il imita la prudence de Sarah. L'amoureux secret fut parfaitement gardé pendant quelque temps. Lorsque le frère et la sœur virent la passion effrénée de Rodolphe arriver à son paroxysme et son exaltation croissante, plus difficile à contenir de jour en jour, sur le point d'éclater et de tout perdre, ils portèrent le grand coup. Le caractère de l'abbé autorisant cette confidence, d'ailleurs toute de moralité, Tom lui fit les premières ouvertures sur la nécessité d'un mariage entre Rodolphe et Sarah. Sinon, ajoutait-il très sincèrement, lui et sa sœur quitteraient immédiatement Gerolstein. Sarah partageait l'amour du prince, mais elle préférait la mort au déshonneur et ne pouvait être que la femme de son Altesse. Ses prétentions stupéfièrent le prêtre. Il n'avait jamais cru Sarah si audacieusement ambitieuse. Un tel mariage, entouré de difficultés sans nombre, de dangers de toutes sortes, parut impossible à l'abbé. Il dit franchement à Tom les raisons pour lesquelles le grand-duc ne consentirait jamais à une telle union. Tom accepta ces raisons, en reconnut l'importance. Mais il proposa, comme un mezzo terminé, qui pouvait tout concilier, un mariage secret bien en règle et seulement déclaré après la mort du grand-duc régnant. Sarah était de noble et ancienne maison. Une telle union ne manquait pas de précédent. Tom donnait à l'abbé, et conséquemment au prince, 8 jours pour se décider. Sa sœur ne supporterait pas plus longtemps les cruelles angoisses de l'incertitude. S'il lui fallait renoncer à l'amour de Rodolphe, elle prendrait cette douloureuse résolution le plus promptement possible. Afin de motiver le brusque départ qui s'ensuivrait alors, Tom avait, en tout cas, adressé, disait-il, à un de ses amis d'Angleterre, une lettre qui devait être mise à la poste à Londres et renvoyée en Allemagne. Cette lettre contiendrait des motifs de retour assez puissants pour que Tom et Sarah se disent absolument obligés de quitter pour quelque temps la cour du grand-duc. Cette fois du moins l'abbé, servi par sa mauvaise opinion de l'humanité, devina la vérité. Cherchant toujours une arrière-pensée aux sentiments les plus honnêtes, lorsqu'il sut que Sarah voulait légitimer son amour par un mariage, il vit là une preuve non de vertu, mais d'ambition. À peine aurait-il cru au désintéressement de la jeune fille si elle eût sacrifié son honneur à Rodolphe ainsi qu'il l'en avait cru capable, lui supposant seulement l'intention d'être la maîtresse de son élève. Selon les principes de l'abbé, se marchander, faire la part du devoir, c'était ne pas aimer. « Faible et froid amour, disait-il, que celui qui s'inquiète du ciel et de la terre. » Certain de ne pas se tromper sur les vues de Sarah, l'abbé demeura fort perplexe. Après tout, le vœu qu'exprimait Tom au nom de sa sœur était des plus honorables. Que demandait-il ? Ou une séparation, ou une union légitime. Malgré son cynisme, le prêtre n'eût pas osé s'étonner aux yeux de Tom des honorables motifs qui semblaient dicter la conduite de ce dernier et lui dire crûment que lui et sa sœur avaient habilement manœuvré pour amener le prince à un mariage disproportionné. L'abbé avait 3 parties à prendre. Avertir le grand-duc de ce complot matrimonial, ouvrir les yeux de Rodolphe sur les manœuvres de Tom et Sarah, prêter les mains à ce mariage. Mais prévenir le grand-duc, c'était s'aliéner à tout jamais l'héritier présomptif de la couronne. Éclairer Rodolphe sur les vues intéressées de Sarah, c'était s'exposer à être reçu, comme on l'est toujours, par un amoureux, lorsqu'on vient lui déprécier l'objet aimé. Et puis quel terrible coup pour la vanité ou pour le cœur du prince! lui révéler que c'était surtout sa position souveraine qu'on voulait épouser. Et puis enfin, chose étrange, lui, prêtre, viendrait blâmer la conduite d'une jeune fille qui voulait rester pure et n'accorder qu'à son époux les droits d'un amant. En se prêtant au contraire à ce mariage, l'abbé s'attachait le prince et sa femme par un lien de reconnaissance profonde, ou du moins par la solidarité d'un acte dangereux. Sans doute, tout pouvait se découvrir, et il s'exposait alors à la colère du grand-duc. Mais le mariage serait conclu, l'union valable, l'orage passerait, et le futur souverain de Gerolstein se trouverait d'autant plus lié envers l'abbé que celui-ci aurait couru plus de dangers à son service. Après de mûres réflexions, l'abbé se décida donc à servir Sarah. Néanmoins, avec une certaine restriction dont nous parlerons plus tard. La passion de Rodolphe était arrivée à sa dernière période. Violemment exaspéré par la contrainte et par les habilissimes séductions de Sarah, qui semblait souffrir encore plus que lui des obstacles insurmontables que l'honneur et le devoir mettaient à leur félicité, quelques jours de plus, le jeune prince se trahissait. Qu'on y songe, c'était un premier amour, un amour aussi ardent que naïf, aussi confiant que passionné. Pour l'exciter, Sarah avait déployé les ressources infernales de la coquetterie la plus raffinée. Non, jamais les émotions vierges d'un jeune homme plein de cœur, d'imagination et de flamme ne furent plus longuement, plus savamment excitées. Jamais femme ne fut plus dangereusement attrayante que Sarah. Tour à tour folâtre et triste, chaste et passionnée, pudique et provocante, ses grands yeux noirs, langoureux et brûlants, allumèrent dans l'âme effervescente de Rodolphe un feu inextinguible. Lorsque l'abbé lui proposa de ne plus jamais voir cette fille enivrante, ou de la posséder par un mariage secret, Rodolphe sauta au cou du prêtre, l'appela son sauveur, son ami, son père. Le temple et le ministre eussent été là, que le jeune prince eût épousé à l'instant. L'abbé voulut, pour cause, se charger de tout. Il trouva un ministre, des témoins, et l'union, dont toutes les formalités furent soigneusement surveillées et vérifiées par Tom, fut secrètement célébrée pendant une courte absence du grand-duc, appelé à une conférence de la diète germanique. Les prédictions de la montagnarde écossaise étaient réalisées. Sarah épousait l'héritier d'une couronne. Sans amortir les feux de son amour, la possession rendit Rodolphe plus circonspect et calma cette violence qui aurait pu compromettre le secret de sa passion pour Sarah. Le jeune couple, protégé par Tom et par l'abbé, s'entendit si bien, mit tant de réserve dans ses relations, qu'elles échappèrent à tous les yeux. Pendant les 3 premiers mois de son mariage, Rodolphe fut le plus heureux des hommes. Lorsque, la réflexion succédant à l'entraînement, il contempla sa position de sang-froid, il ne regretta pas de s'être enchaîné à Sarah par un lien indissoluble. Il renonça sans regret pour l'avenir à cette vie galante, voluptueuse, efféminée, qu'il avait d'abord si ardemment rêvée, et il fit avec Sarah les plus beaux projets du monde sur leur règne futur. Dans ces lointaines hypothèses, le rôle de premier ministre, que l'abbé s'était destiné in petto, diminuait beaucoup d'importance. Sarah se réservait ses fonctions gouvernementales. Trop impérieuse pour ne pas ambitionner le pouvoir et la domination, elle espérait régner à la place de Rodolphe. Un événement impatiemment attendu par Sarah changea bientôt ce calme en tempête. Elle devint mère. Alors se manifestèrent chez cette femme des exigences toutes nouvelles et effrayantes pour Rodolphe. Elle lui déclara, en fondant en larmes hypocrites, qu'elle ne pouvait plus supporter la contrainte où elle vivait, contrainte que sa grossesse rendait plus pénible encore. Dans cette extrémité, elle proposait résolument à Rodolphe de tout avouer au grand-duc. Il s'était, ainsi que la grande duchesse douairière, de plus en plus affectionné à Sarah. « Sans doute, ajoutait celle-ci, il s'indignerait d'abord, s'emporterait, mais il aimait si tendrement, si aveuglément son fils. Il avait pour elle, Sarah, tant d'affection, que le courroux paternel s'apaiserait peu à peu et elle prendrait enfin à la cour de Gerolstein le rang qui lui appartenait, si cela se peut dire, doublement, puisqu'elle allait donner un enfant à l'héritier présomptif du grand-duc. Cette prétention épouvanta Rodolphe. Il connaissait le profond attachement de son père pour lui, mais il connaissait aussi l'inflexibilité des principes du grand-duc à l'endroit des devoirs de prince. À toutes ces objections, Sarah répondait impitoyablement « Je suis votre femme devant Dieu et devant les hommes. Dans quelque temps, je ne pourrai plus cacher ma grossesse. Je ne veux plus rougir d'une position dont je suis au contraire si fière et dont je puis me glorifier tout haut. » La paternité avait redoublé la tendresse de Rodolphe pour Sarah. Placé entre le désir d'accéder à ses vœux et la crainte du courroux de son père, il éprouvait d'affreux déchirements. Tom prenait le parti de sa sœur. « Le mariage est indissoluble, disait-il à son sérénissime beau-frère. Le grand-duc peut vous exiler de sa cour, vous et votre femme, rien de plus. Or, il vous aime trop pour se résoudre à une pareille mesure. Il préférera tolérer ce qu'il n'aura pu empêcher. » Ces raisonnements, fort justes d'ailleurs, ne calmaient pas les anxiétés de Rodolphe. Sur ces entrefaites, Tom fut chargé par le grand-duc d'aller visiter plusieurs haras d'Autriche. Cette mission, qu'il ne pouvait refuser, ne devait le retenir que 15 jours au plus. Il partit, à son grand regret, dans un moment très décisif pour sa sœur. Celle-ci fut à la fois chagrine et satisfaite de l'éloignement de son frère. Elle perdait l'appui de ses conseils, mais aussi, dans le cas où tout se découvrirait, il serait à l'abri de la colère du grand-duc. Sarah devait tenir Tom au courant, jour par jour, des différentes phases d'une affaire si importante pour tous deux. Afin de correspondre plus sûrement et plus secrètement, ils convinrent d'un chiffre. Cette précaution seule prouve que Sarah avait à entretenir son frère d'autre chose que de son amour pour Rodolphe. En effet, cette femme égoïste, froide, ambitieuse, n'avait pas senti se fondre les glaces de son cœur à l'embrasement de l'amour passionné qu'elle avait allumé. La maternité ne fut pour elle qu'un moyen d'action de plus sur Rodolphe et n'attendrit pas même cette âme d'airain. La jeunesse, le fol amour, l'inexpérience de ce prince presque enfant, si perfidement attiré dans une position inextricable, lui inspirait à peine de l'intérêt. Dans ses intimes confidences à Tom, elle se plaignait avec dédain et amertume de la faiblesse de cet adolescent qui tremblait devant le plus paterne des princes allemands, qui vivait bien longtemps. En un mot, cette correspondance entre le frère et la sœur dévoilait clairement leur égoïsme intéressé, leurs ambitieux calculs, leur impatience presque homicide, et mettait à nu les ressorts de cette trame ténébreuse couronnée par le mariage de Rodolphe. Peu de jours après le départ de Tom, Sarah se trouvait au cercle de la grande-duchesse Douairière. Plusieurs femmes la regardaient d'un air étonné et chuchotaient avec leurs voisines. La grande-duchesse Judith, malgré ses 90 ans, avait l'oreille fine et la vue bonne. Ce petit manège ne lui échappa pas. Elle fit signe à une des dames de son service de venir auprès d'elle, et apprit ainsi que l'on trouvait mademoiselle Sarah Seyton de Halsbury moins svelte, moins élancée que d'habitude. La vieille princesse adorait sa jeune protégée. Elle eût répondu à Dieu de la vertu de Sarah. Indignée de la méchanceté de ses observations, elle haussa les épaules et dit tout haut, du bout du salon où elle se tenait, « Ma chère Sarah, écoutez !» Sarah se leva. Il lui fallut traverser le cercle pour arriver auprès de la princesse, qui voulait, dans une intention toute bienveillante et par le seul fait de cette traversée, confondre les calomniateurs et leur prouver victorieusement que la taille de sa protégée n'avait rien perdu de sa finesse et de sa grâce. Hélas, l'ennemie la plus perfide n'eût pas mieux imaginé que n'imagina l'excellente princesse dans son désir de défendre sa protégée. Celle-ci vint à elle. Il fallut le respect qu'on portait à la grande-duchesse pour comprimer un murmure de surprise et d'indignation lorsque la jeune fille traversa le cercle. Les gens les moins clairvoyants s'aperçurent de ce que Sarah ne voulait pas cacher plus longtemps,

Chapitre 19 de la deuxième partie des Mystères de Paris, tome 1, par Eugène Sue. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 19. Les rendez-vous. Voulant à tout prix avertir Madame d'Harville du danger qu'elle courait, Rodolphe, parti de l'ambassade sans attendre la fin de l'entretien de Tom et de Sarah, ignorait le complot tramé par eux contre Fleur de Marie et le péril imminent qui menaçait cette jeune fille. Malgré son zèle, Rodolphe ne put malheureusement sauver la marquise, comme il l'espérait. Celle-ci, en sortant de l'ambassade, devait par convenance paraître un moment chez Madame de Nerval. Mais, vaincue par les émotions qui l'agitaient, Madame d'Harville n'eut pas le courage d'aller à cette seconde fête et rentra chez elle. Ce contretemps perdit tout. Monsieur de Groyn, ainsi que presque toutes les personnes de la société de la comtesse, étaient invités chez Madame de Nerval. Rodolphe l'y conduisit rapidement, avec ordre de chercher Madame d'Harville dans le bal et de la prévenir que le prince, désirant lui dire le soir même quelques mots du plus grand intérêt, se trouverait à pied devant l'hôtel d'Harville et qu'il s'approcherait de la voiture de la marquise pour lui parler à sa portière pendant que ses gens attendraient l'ouverture de la porte cochère. Après beaucoup de temps perdu à chercher Madame d'Harville dans ce bal, le baron revint. Elle n'y avait pas paru. Rodolphe fut au désespoir. Il avait sagement pensé qu'il fallait avant tout avertir la marquise de la trahison dont on voulait la rendre victime, car alors la délation de Sarah, qu'il ne pouvait empêcher, passerait pour une indigne calomnie. Il était trop tard. Cette lettre infâme était parvenue au marquis à 1 heure après minuit. Le lendemain matin, M. d'Harville se promenait lentement dans sa chambre à coucher, meublée avec une élégante simplicité et seulement ornée d'une panoplie d'armes modernes et d'une étagère garnie de livres. Le lit n'avait pas été défait. Pourtant, la courte pointe de soie pendait en lambeaux. Une chaise et une petite table d'ébène à pied tor étaient renversées près de la cheminée. Ailleurs, on voyait sur le tapis les débris d'un verre de cristal, des bougies à demi écrasées et un flambeau à deux branches qui avait roulé au loin. Ce désordre semblait causé par une lutte violente. M. d'Harville avait 30 ans environ, une figure mâle et caractérisée, d'une expression ordinairement agréable et douce, mais alors contractée, pâle, violacée. Il portait ses habits de la veille. Son cou était nu, son gilet ouvert. Sa chemise déchirée paraissait tachée çà et là de quelques gouttes de sang. Ses cheveux bruns, ordinairement bouclés, retombaient roides et emmêlés sur son front livide. Après avoir encore longtemps marché, les bras croisés, la tête basse, le regard fixe et rouge, M. d'Harville s'arrêta brusquement devant son foyer éteint, malgré la forte gelée survenue pendant la nuit. Il prit sur le marbre de la cheminée cette lettre, qu'il relut avec une dévorante attention à la clarté blafarde de ce jour d'hiver. « Demain à 1 heure, votre femme doit se rendre rue du Temple, numéro 17, pour une amoureuse entrevue. Suivez-la et vous saurez tout. Heureux époux !» À mesure qu'il lisait ces mots, déjà tant de fois lus pourtant, ses lèvres bleuies par le froid semblait convulsivement épeler lettre par lettre ce funeste billet. À ce moment, la porte s'ouvrit, un valet de chambre entra. Ce serviteur, déjà vieux, avait les cheveux gris, une figure honnête et bonne. Le marquis retourna brusquement la tête sans changer de position, tenant toujours la lettre entre ses deux mains. « Que veux-tu ? » dit-il durement au domestique. Celui-ci, au lieu de répondre, contemplait d'un air de stupeur douloureuse le désordre de la chambre. Puis, regardant attentivement son maître, il s'écria « Du sang à votre chemise ! Mon Dieu ! Monsieur, vous vous serez blessé ? Vous étiez seul. Pourquoi ne m'avez-vous pas sonné comme à l'ordinaire, lorsque vous avez ressenti les... Va-t'en ! Mais, monsieur le marquis, vous n'y pensez pas. Votre feu est éteint, il fait ici un froid mortel, et surtout après votre... Te tairas-tu ? Laisse-moi ! « Mais, monsieur le marquis, reprit le valet de chambre tout tremblant, vous avez donné ordre à monsieur Doublet d'être ici ce matin à 10 heures et demie. Il est 10 heures et demie, et il est là avec le notaire. C'est juste, dit amèrement le marquis en reprenant son sang-froid. Quand on est riche, il faut songer aux affaires. C'est si beau, la fortune. Puis il ajouta, « Fais entrer Monsieur Doublet dans mon cabinet. »« Il y est, monsieur le marquis. »« Donne-moi de quoi m'habiller. Tout à l'heure, je sortirai. »« Mais, monsieur le marquis... » « Fais ce que je te dis, Joseph, » dit M. d'Harville d'un ton plus doux. Puis il ajouta, « Est-on déjà entré chez ma femme ?»« Je ne crois pas que Mme la marquise ait encore sonné. »« On me préviendra dès qu'elle sonnera. »« Oui, monsieur le marquis. » »« Dis à Philippe de venir t'aider, tu n'en finiras pas. »« Mais, monsieur, attendez que j'aie un peu rangé ici, » répondit tristement Joseph. « On s'apercevrait de ce désordre. » Et l'on ne comprendrait pas ce qui a pu arriver cette nuit à monsieur le marquis. Et si l'on comprenait, ce serait bien hideux, n'est-ce pas? Reprit monsieur d'Harville d'un ton de raillerie douloureuse. Oh, monsieur, s'écria Joseph. Dieu merci, personne ne se doute. Personne? Non, personne, répondit le marquis d'un air sombre. Pendant que Joseph s'occupait de réparer le désordre de la chambre de son maître, celui-ci alla droit à la panoplie dont nous avons parlé, examina attentivement pendant quelques minutes les armes qui la composaient, fit un geste de satisfaction sinistre, et dit à Joseph, « Je suis sûr que tu as oublié de faire nettoyer mes fusils qui sont là-haut dans mon nécessaire de chasse. »« Monsieur le marquis ne m'en a pas parlé, » dit Joseph d'un air étonné. « Si, mais tu l'as oublié. »« Je proteste à monsieur le marquis. » »« Ils doivent être dans un bel état. » Il y a un mois à peine qu'on les a rapportés de chez l'armurier. Il n'importe. Dès que je serai habillé, va me chercher ce nécessaire. J'irai peut-être à la chasse, demain ou après. Je veux examiner ces fusils. Je les descendrai tout à l'heure. La chambre remise en ordre, un second valet de chambre vint aider Joseph. La toilette terminée, le marquis entra dans le cabinet où l'attendaient M. Doublet, son intendant et un clerc de notaire. « C'est l'acte que l'on vient lire à monsieur le marquis, » dit l'intendant. « Il ne reste plus qu'à le signer. »« Vous l'avez lu, monsieur Doublet ?»« Oui, monsieur le marquis. »« En ce cas, cela suffit. Je signe. » Il signa, le clerc sortit. « Moyennant cette acquisition, monsieur le marquis, » dit monsieur Doublet d'un air triomphant, « votre revenu financier, en belles et bonnes terres, ne va pas à moins de 126 000 francs en sac. Savez-vous que cela est rare, monsieur le marquis ?» Un revenu de 126 000 francs en terre ? Je suis un homme bien heureux, n'est-ce pas, monsieur Doublet ? 126 000 francs de rente en terre. Il n'y a pas de félicité pareille. Sans compter le portefeuille de monsieur le marquis, sans compter, certainement, et sans compter tant d'autres bonheurs encore. Dieu soit loué, monsieur le marquis, car il ne vous manque rien. Jeunesse, richesse, bonté, santé, tous les bonheurs réunis, enfin. Et parmi eux, dit M. Doublet en souriant agréablement, ou plutôt à leur tête, je mets celui d'être l'époux de Mme la marquise et d'avoir une charmante petite fille qui ressemble à un chérubin. M. d'Harville jeta un regard sinistre sur l'intendant. Nous renonçons à peindre l'expression de sauvage ironie avec laquelle il dit à M. Doublet, en lui frappant familièrement sur l'épaule, « Avec 126 000 francs de rente en terre et une femme comme la mienne, » et un enfant qui ressemble à un chérubin. Il ne reste plus rien à désirer, n'est-ce pas ?« Hé, hé, monsieur le marquis !» répondit naïvement l'intendant. « Il reste à désirer de vivre le plus longtemps possible, pour marier mademoiselle votre fille, et être grand-père. Arriver à être grand-père, c'est ce que je souhaite à monsieur le marquis, comme à madame la marquise d'être grand-mère et arrière-grand-mère. » Ce bon monsieur Doublet qui songe à Philémon et Baucis, il est toujours plein d'à propos. « Monsieur le marquis est trop bon. Il n'a rien à m'ordonner ?»« Rien. Ah, si, pourtant. Combien avez-vous en caisse ?»« 19 300 et quelques francs pour le courant, monsieur le marquis, sans compter l'argent déposé à la banque. »« Vous m'apporterez ce matin 10 000 francs en or et vous les remettrez à Joseph si je suis sorti. »« Ce matin ?»« Ce matin. »« Dans une heure, les fonds seront ici. Monsieur le marquis n'a plus rien à me dire ?»« Non, monsieur Doublet. » 126 000 francs de rente en sac, en sac !» répéta l'intendant en s'en allant. « C'est un beau jour pour moi que celui-ci. Je craignais tant que cette ferme-ci, à notre convenance, ne nous échappât. Votre serviteur, monsieur le marquis. »« Au revoir, monsieur Doublet. » À peine l'intendant fut-il sorti que monsieur d'Harville tomba sur un fauteuil avec accablement. Il appuya ses deux coudes sur son bureau et cacha sa figure dans ses mains. Pour la première fois depuis qu'il avait reçu la lettre fatale de Sarah, il put pleurer. « Oh ! Disait-il, quelle cruelle décision de la destinée qui m'a fait riche ! Que mettre dans ce cadre d'or maintenant ? Ma honte ! L'infamie de Clémence ! Infamie qu'un éclat va faire rejaillir peut-être jusque sur le front de ma fille ! Cet éclat, dois-je m'y résoudre ou dois-je avoir pitié de... » Puis, se levant, l'œil étincelant, les dents convulsivement serrées, il s'écria d'une voix sourde, « Non, non, du sang, le terrible sauve du ridicule. Je comprends maintenant son aversion, la misérable. » Puis, s'arrêtant tout à coup, comme atterré par une réflexion soudaine, il reprit d'une voix sourde, « Son aversion. Oh, je sais bien ce qu'est la cause. Je lui fais horreur, je l'épouvante. » Et après un long silence, « Mais est-ce ma faute à moi? Faut-il qu'elle me trompe pour cela? Au lieu de haine, n'est-ce pas la pitié que je mérite ? » reprit-il en s'animant par degrés. « Non, non, du sang, tous deux, car elle lui a sans doute tout dit à l'autre. » Cette pensée redoubla la fureur du marquis. Il leva ses deux poings crispés vers le ciel, puis, passant sa main brûlante sur ses yeux et sentant la nécessité de rester calme devant ses gens, il rentra dans sa chambre à coucher avec une apparente tranquillité. Il y trouva Joseph. « Eh bien, les fusils ?»« Les voilà, monsieur le marquis. Ils sont en parfait état. Je vais m'en assurer. Ma femme a-t-elle sonné ?»« Je ne sais pas, monsieur le marquis. Va t'en informer. » Le valet de chambre sortit. M. d'Harville se hâta de prendre dans la boîte à fusil une petite poire à poudre, quelques balles, des capsules. Puis il referma le nécessaire et garda la clé. Il alla ensuite à la panoplie, y prit une paire de pistolets de menton de demi-grandeur, les chargea et les fit facilement entrer dans les poches de sa longue redingote de matin. À ce moment, Joseph rentra. « Monsieur, on peut entrer chez Madame la Marquise. » « Est-ce que Madame d'Harville a demandé sa voiture ?»« Non, monsieur le marquis. Mademoiselle Juliette a dit devant moi au cocher de Madame la Marquise, qui venait demander les ordres pour la matinée, que comme il faisait froid et sec, Madame sortait à pied, si elle sortait. »« Très bien. Ah, j'oubliais. Si je vais à la chasse, ce sera demain ou après. Dis à Williams de visiter le petit brisque à verre ce matin même, tu m'entends ?» « Oui, monsieur le marquis. Vous ne voulez pas votre canne ?»« Non. N'y a-t-il pas une place de fiacre ici près ?»« Tout près, au coin de la rue de Lille. » Après un moment d'hésitation et de silence, le marquis reprit « Va demander à mademoiselle Juliette si madame d'Harville est visible. » Joseph sortit. « Allons, c'est un spectacle comme un autre. Oui. » Je veux aller chez elle et observer le masque doucereux et perfide sous lequel cette infâme rêve sans doute l'adultère de tout à l'heure. J'écouterai sa bouche mentir pendant que je lirai le crime dans son cœur déjà vicié. Oui, cela est curieux. Voir comment vous regarde, vous parle et vous répond une femme qui, l'instant d'après, va souiller votre nom d'une de ces taches ridicules et horribles qu'on ne lave qu'avec des flots de sang. Fou que je suis! Elle me regardera, comme toujours, le sourire aux lèvres, la candeur au front. Elle me regardera comme elle regarde sa fille en la baisant au front et en lui faisant prier Dieu. Le regard, le miroir de l'âme, et il haussa les épaules avec mépris. Plus il est doux et pudique, plus il est faux et corrompu. Elle le prouve, et j'y ai été pris comme un sot. Oh, rage ! Avec quel froid et insolent mépris elle devait me contempler à travers ce miroir imposteur, lorsqu'au moment peut-être où elle allait trouver l'autre, je la comblais de preuves d'estime et de tendresse. Je lui parlais comme à une jeune mère chaste et sérieuse, en qui j'avais mis l'espoir de toute ma vie. « Non, non !» s'écria M. d'Harville en sentant sa fureur s'augmenter. « Non, je ne la verrai pas, je ne veux pas la voir, ni ma fille non plus. » Je me trahirai, je compromettrai ma vengeance. » En sortant de chez lui, au lieu d'entrer chez Madame d'Harville, il dit seulement à la femme de chambre de la marquise, « Vous direz à Madame d'Harville que je désirais lui parler ce matin, mais que je suis obligé de sortir pour un moment. Si par hasard il lui convenait de déjeuner avec moi, je serais rentré vers midi. sinon qu'elle ne s'occupe pas de moi. Pensant que je vais rentrer, elle se croira beaucoup plus libre, se dit Monsieur d'Harville. Et il se rendit à la place de fiacre voisine de sa maison. « Cocher, à l'heure. »« Oui, bourgeois, il est 11h30. Où allons-nous ?»« Rue de Bellechasse, au coin de la rue Saint-Dominique, le long du mur d'un jardin qui se trouve là. Tu attendras. »« Oui, bourgeois. » Monsieur d'Harville baissa les stores. Le fiacre partit et arriva bientôt presque en face de la maison du marquis. De cet endroit, personne ne pouvait sortir de chez lui sans qu'il le vît. Le rendez-vous accordé par sa femme était pour 1 heure. L'œil ardemment fixé sur la porte de sa demeure, il attendit. Sa pensée était entraînée par un torrent de colère si effrayante et si vertigineuse que le temps lui semblait passer avec une incroyable rapidité. Midi sonnait à Saint-Thomas-d'Aquin lorsque la porte de l'hôtel d'Harville s'ouvrit lentement et la marquise sortit. Déjà, ah, quelle attention! Elle craint de faire attendre l'autre, se dit le marquis avec une ironie farouche. Le froid était vif, le pavé sec. Clémence portait un chapeau noir recouvert d'un voile de blonde de la même couleur et une douillette de soie raisin de Corinthe. Son immense châle de cachemire bleu foncé retombait jusqu'au volant de sa robe, qu'elle releva légèrement et gracieusement pour traverser la rue. Grâce à ce mouvement, on vit jusqu'à la cheville son petit pied étroit et cambré, merveilleusement chaussé d'une bottine de satin turc. Chose étrange, malgré les terribles idées qui le bouleversaient, M. d'Harville remarqua dans ce moment le pied de sa femme, qui ne lui avait jamais paru plus coquet et plus joli. Cette vue exaspéra sa fureur. Il sentit jusqu'au vif les morsures aiguës de la jalousie sensuelle. Il vit l'autre à genoux, portant avec ivresse ce pied charmant à ses lèvres. En une seconde, toutes les ardentes folies de l'amour passionné, se peignirent à sa pensée en traits de flamme. Et alors, pour la première fois de sa vie, il ressentit au cœur une affreuse douleur physique, un élancement profond, incisif, pénétrant, qui lui arracha un cri sourd. Jusqu'alors, son âme seule avait souffert, parce que jusqu'alors, il n'avait songé qu'à la sainteté des devoirs outragés. Son impression fut si cruelle qu'il put à peine dissimuler l'altération de sa voix pour parler au cocher, en soulevant à demi le store. « Tu vois bien cette dame en châle bleu et en chapeau noir qui marche le long du mur ?»« Oui, bourgeois. » »« Marche au pas et suis-la. » Si elle va à la place des fiacres où je t'ai pris, arrête-toi et suis la voiture où elle montera. Oui, bourgeois, tiens, tiens, c'est amusant. » Madame d'Harville se rendit en effet à la place des fiacres et monta dans une de ses voitures. Le cocher de M. d'Harville la suivit. Les deux fiacres partirent. Au bout de quelque temps, au grand étonnement du marquis, son cocher prit le chemin de l'église de Saint-Thomas-d'Aquin et bientôt il s'arrêta. « Eh bien, que fais-tu ? » ?»« Bourgeois, la dame vient de descendre à l'église. Sapristi, jolie petite jambe tout de même. C'est très amusant. » 1000 pensées diverses agitèrent M. d'Harville. Il crut d'abord que sa femme, remarquant qu'on la suivait, voulait dérouter les poursuites. Puis il songea que peut-être la lettre qu'il avait reçue était une calomnie indigne. Si Clémence était coupable, à quoi bon cette fausse apparence de piété ? N'était-ce pas une dérision sacrilège ? Un moment, M. d'Harville eut une lueur d'espoir, tant il y avait de contraste entre cette apparente piété et la démarche dont il accusait sa femme. Cette consolante illusion ne dura pas longtemps. Son cocher se pencha et lui dit « Bourgeois, la petite dame remonte en voiture. »« Suis-la. » »« Oui, bourgeois, très amusant, très amusant. » Le fiacre gagna les quais, l'hôtel de ville, la rue Saint-Avoy et enfin la rue du Temple. « Bourgeois, dit le cocher en se retournant vers M. d'Harville, le camarade vient d'arrêter au numéro 17. Nous sommes au 13. Faut-il arrêter aussi ?»« Oui. » « Bourgeois, la petite dame vient d'entrer dans l'allée du numéro 17. »« Ouvre-moi. » »« Oui, bourgeois. » Quelques secondes après, M. d'Harville entrait dans l'allée sur les pas de sa femme. Fin du chapitre 19.

Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en février 2012. Chapitre 22 de la deuxième partie des Mystères de Paris, tome 1, par Eugène Sue. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 22. Inquiétude. Pendant que la Goualeuse s'occupait de ses soins champêtres, Madame Georges et l'abbé Laporte, curé de Bouqueval, assis au coin du feu dans le petit salon de la ferme, parlaient de Fleur de Marie, sujet d'entretien toujours intéressant pour eux. Le vieux curé, pensif, recueilli, la tête basse et les coudes appuyés sur ses genoux, étendait machinalement devant le foyer ses deux mains tremblantes. Madame Georges, occupée d'un travail de couture, regardait l'abbé de temps à autre et paraissait attendre qu'il lui répondît. Après un moment de silence, « Vous avez raison, Madame Georges, il faudra prévenir M. Rodolphe. S'il interroge Marie, elle lui est si reconnaissante qu'elle avouera peut-être à son bienfaiteur ce qu'elle nous cache. N'est-il pas vrai, monsieur le curé? Alors, ce soir même, j'écrirai à l'adresse qu'il m'a donnée, allée des veuves. » Pauvre enfant, reprit l'abbé, elle devrait se trouver si heureuse. Quel chagrin peut donc la miner à cette heure? Rien ne peut la distraire de cette tristesse, monsieur le curé, pas même l'application qu'elle met à l'étude. Elle a véritablement fait des progrès extraordinaires depuis le peu de temps que nous nous occupons de son éducation. N'est-ce pas, monsieur l'abbé? Apprendre à lire et à écrire presque couramment et savoir assez compter pour m'aider à tenir les livres de la ferme? Et puis cette chère petite me seconde si activement en toute chose que j'en suis à la fois touchée et émerveillée. Ne s'est-elle pas, presque malgré moi, fatiguée de manière à m'inquiéter sur sa santé? Heureusement, ce médecin nègre nous a rassurés sur les suites de cette toux légère qui nous effrayait. Il est si bon, ce monsieur David. Il s'intéressait tant à elle. Mon Dieu, comme tous ceux qui la connaissent. Ici, chacun la chérit et la respecte. Cela n'est pas étonnant, puisque, grâce aux vues généreuses et élevées de M. Rodolphe, les gens de cette métairie sont l'élite des meilleurs sujets du pays. Mais les êtres les plus grossiers, les plus indifférents, ressentiraient l'attrait de cette douceur à la fois angélique et craintive qui a toujours l'air de demander grâce. Malheureuse enfant, comme si elle était seule coupable. L'abbé reprit après quelques minutes de réflexion. « Ne m'avez-vous pas dit que la tristesse de Marie datait pour ainsi dire du séjour que Madame Dubreuil, la fermière de M. le duc de Lucenay à Arnouville, avait fait ici, lors des fêtes de la Toussaint ?»« Oui, monsieur le curé, j'ai cru le remarquer, et pourtant Madame Dubreuil, et surtout sa fille Clara, modèle de candeur et de bonté, ont subi comme tout le monde le charme de Marie. Toutes deux l'accablent journellement de marques d'amitié. Vous le savez, le dimanche, nos amis d'Arnouville viennent ici, ou bien nous allons chez eux. Eh bien, l'on dirait que chaque visite augmente la mélancolie de notre cher enfant, quoique Clara l'aime déjà comme une sœur. En vérité, Madame Georges, c'est un mystère étrange. Quelle peut être la cause de ce chagrin caché? Elle devrait se trouver si heureuse. Entre sa vie présente et sa vie passée, il y a la différence de l'enfer au paradis. On ne saurait l'accuser d'ingratitude. Elle, grand Dieu, elle, si tendrement reconnaissante de nos soins, elle chez qui nous avons toujours trouvé des instincts d'une si rare délicatesse, cette pauvre petite ne fait-elle pas tout ce qu'elle peut afin de gagner, pour ainsi dire, sa vie? Ne tâche-t-elle pas de compenser par les services qu'elle rend l'hospitalité qu'on lui donne? Ce n'est pas tout. Excepté le dimanche, où j'exige qu'elle s'habille avec un peu de recherche pour m'accompagner à l'église, elle a voulu porter des vêtements aussi grossiers que ceux des filles de campagne. Et malgré cela, il existe en elle une distinction, une grâce si naturelle qu'elle est encore charmante sous ses habits, n'est-ce pas, monsieur le curé? Ah, que je reconnais bien là l'orgueil maternel, dit le vieux prêtre en souriant. À ces mots, les yeux de Madame Georges se remplirent de larmes. Elle pensait à son fils. L'abbé devina la cause de son émotion et lui dit « Courage! Dieu vous a envoyé cette pauvre enfant pour vous aider à attendre le moment où vous retrouverez votre fils. Et puis un lien sacré vous attachera bientôt à Marie. Une marraine, lorsqu'elle comprend bien sa mission, c'est presque une mère. Quant à M. Rodolphe, il lui a donné, pour ainsi dire, la vie de l'âme en la retirant de l'abîme. D'avance, il a rempli ses devoirs de parrain. La trouvez-vous suffisamment instruite pour lui accorder ce sacrement que l'infortunée n'a sans doute pas encore reçu? Tout à l'heure, en m'en retournant avec elle au presbytère, je la préviendrai que cette cérémonie se fera probablement dans 15 jours. Peut-être, monsieur le curé, présiderez-vous un jour une autre cérémonie aussi bien douce et bien grave. Que voulez-vous dire? Si Marie était aimée autant qu'elle le mérite, si elle distinguait un brave et honnête homme, pourquoi ne se marierait-elle pas? L'abbé secoua tristement la tête et répondit « La marier? Songez-y donc, madame Georges. La vérité ordonnera de tout dire à celui qui voudrait épouser Marie. Et quel homme, malgré ma caution et la vôtre, affronterait le passé qui a souillé la jeunesse de cette malheureuse enfant? Personne ne voudra d'elle. Mais monsieur Rodolphe est si généreux, il fera pour sa protégée plus qu'il n'a fait encore. Une dot? Hélas, dit le curé en interrompant madame Georges, malheur à Marie, si la cupidité doit seule apaiser les scrupules de celui qui l'épousera. Elle serait vouée au sort le plus pénible. De cruelles récriminations suivraient bientôt une telle union. Vous avez raison, monsieur l'abbé, cela serait horrible. Oh, quel malheureux avenir lui est donc réservé! Elle a de grandes fautes à expier, dit gravement le curé. Mon Dieu, monsieur l'abbé, abandonnée si jeune, sans ressources, sans appui, presque sans notion du bien et du mal, entraînée malgré elle dans la voie du vice, comment n'aurait-elle pas failli? Le bon sens moral aurait dû la soutenir, l'éclairer. Et d'ailleurs, a-t-elle tâché d'échapper à ce terrible sort? Les âmes charitables sont-elles donc si rares à Paris? Non, sans doute, mais où aller les chercher? Avant que d'en découvrir une, que de refus, que d'indifférence! Et puis, pour Marie, il ne s'agissait pas d'une aumône passagère, mais d'un intérêt continu qui l'eût mise à même de gagner honorablement sa vie. Bien des mères, sans doute, auraient eu pitié d'elle, mais il fallait avoir le bonheur de les rencontrer. Ah, croyez-moi, j'ai connu la misère, à moins d'un hasard providentiel semblable à celui qui, hélas trop tard, a fait connaître Marie à M. Rodolphe. À moins, dis-je, d'un de ces hasards, les malheureux, presque toujours brutalement repoussés à leur première demande, croient la pitié introuvable, et pressés par la faim. La faim si impérieuse, ils cherchent souvent dans le vice des ressources qu'ils désespèrent d'obtenir dans la commisération. À ce moment, la Goualeuse entra dans le salon. « D'où venez-vous, mon enfant ? » lui demanda madame Georges avec intérêt. « De visiter le fruitier, madame, après avoir fermé les portes de la basse-cour. Les fruits sont très bien conservés, sauf quelques-uns que j'ai ôtés. » « Pourquoi n'avez-vous pas dit à Claudine de faire cette besogne, Marie? Vous vous serez encore fatiguée? »« Non, non, madame, je me plais tant dans mon fruitier. Cette bonne odeur de fruits mûrs est si douce. » »« Il faudra, monsieur le curé, que vous visitiez un jour le fruitier de Marie, » dit madame Georges. « Vous ne vous figurez pas avec quel goût elle l'a arrangé. Des guirlandes de raisins séparent chaque espèce de fruit, et ceux-ci sont encore divisés en compartiments par des bordures de mousse. « Oh, monsieur le curé, je suis sûre que vous serez content, » dit ingénument la Goualeuse. « Vous verrez comme la mousse fait un joli effet autour des pommes bien rouges ou des belles poires couleur d'or. Il y a surtout des pommes d'api qui sont si gentilles, qui ont de si charmantes couleurs roses et blanches qu'elles ont l'air de petites têtes de chérubins dans un nid de mousse verte, » ajouta la jeune fille, avec l'exaltation de l'artiste pour son œuvre. Le curé regarda madame Georges en souriant, et dit à Fleur de Marie, « J'ai admiré la laiterie que vous dirigez, mon enfant. Elle ferait l'envie de la ménagère la plus difficile. Un de ces jours, j'irai aussi admirer votre fruitier, et ses belles pommes rouges, et ses belles poires couleur d'or, et surtout ses jolies pommes chérubins dans leur lit de mousse. Mais voici le soleil tout à l'heure couché. Vous n'aurez que le temps de me conduire au presbytère et de revenir ici avant la nuit. Prenez votre mante et partons, mon enfant. Mais au fait, j'y songe, le froid est bien vif. Restez, quelqu'un de la ferme m'accompagnera. » « Oh, monsieur le curé, vous la rendriez malheureuse, » dit Madame Georges. « Elle est si contente de vous reconduire ainsi chaque soir. »« Monsieur le curé, » ajouta la Goualeuse, en levant sur le prêtre ses grands yeux bleus et timides, « je croirais que vous n'êtes pas content de moi si vous ne me permettiez pas de vous accompagner comme d'habitude. »« Moi, pauvre enfant, prenez donc vite, vite votre mante alors, et enveloppez-vous bien. » Fleur de Marie se hâta de jeter sur ses épaules une sorte de pelisse à capuchon en grosse étoffe de laine blanchâtre, bordée d'un ruban de velours noir, et offrit son bras au curé. « Heureusement, dit celui-ci, qu'il n'y a pas loin et que la route est sûre. » « Comme il est un peu plus tard aujourd'hui que les autres jours, reprit Madame Georges, voulez-vous que quelqu'un de la ferme aille avec vous, Marie ?»« On me prendrait pour une peureuse, dit Marie en souriant. « Merci, madame. Ne dérangez personne pour moi. Il n'y a pas un quart d'heure de chemin d'ici au presbytère. Je serai de retour avant la nuit. » « Je n'insiste pas, car jamais, Dieu merci, on n'a entendu parler de vagabonds dans ce pays. »« Sans cela, je n'accepterai pas le bras de cette chère enfant, » dit le curé, « quoiqu'il me soit d'un grand secours. » Bientôt l'abbé quitta la ferme, appuyé sur le bras de Fleur de Marie, qui réglait son pas léger sur la marche lente et pénible du vieillard. Quelques minutes après, le prêtre et la Goualeuse arrivèrent auprès du chemin creux où étaient embusqués le maître d'école, la Chouette et Tortillard. Fin du chapitre 22. Fin des Mystères de Paris, tome 1, par Eugène Sue. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet, à Copenhague, en février 2012.